Point langue. Les adjectifs de nationalité. Je suis français. Je suis française. Je suis polonais. Je suis polonaise. Je suis chinois. Je suis chinoise. Je suis américain. Je suis américaine. Je suis mexicain. Je suis mexicaine. Je suis autrichien. Je suis autrichienne. Je suis tunisien. Je suis tunisienne. Je suis allemand. Je suis allemande. Je suis espagnol. Je suis espagnol. Je suis russe. Je suis russe.